Ici Jean-Pierre Boivin, préfet de la MRC de Maria-Chapdelaine. Notre MRC possède un des plus importants parterres forestiers du Québec. Que ce soit pour le travail ou les loisirs, l'avenir de la forêt repose sur son usage multi-ressources. La forêt, c'est notre richesse. À nous de la protéger. Soyons-en fiers. Voici votre plus récent bulletin d'information de sport local et régional. Au microphone, Danny Veilleux. On va parler d'abord de Shane Gauthier de Dolbeau-Mistassini. Shane Gauthier qui va entamer sa deuxième année cette année avec les Bombers de Winnipeg. Hier, on l'a eu en entrevue hier sur les ondes de danazosport.com. Et Shane Gauthier se dit mieux préparé en vue de la prochaine saison. Dans le fond, je me suis entraîné à Montréal avec un entraîneur que j'ai engagé qui me prépare pour arriver en forme cette saison. Puis ça a super bien été tout le monde vers là-bas. Là. Puis je pense que je suis. Et dans un deuxième temps, Shane Gauthier mentionne que son poste n'est pas assuré cette année avec les Bombers de Winnipeg. Oh oui, c'est certain. À chaque année, c'est une nouvelle année. Tu n'es jamais sûr de. Tu n'as pas de poste assuré, rien. Mais là, j'ai déjà vécu un petit peu comment ça se passe le camp. Puis non, ma préparation n'était pas comme l'année dernière. Parce que l'année dernière, tu te prépares plus pour des tests physiques pour faire face au combine. Puis, de te faire repêcher. Okay. Mais la situation est différente. Là, je sais déjà, je sais où je m'en vais. Je suis plus une recrue à Winnipeg. Je suis au Maligny. Je connais la ville. Je connais le personnel d'entraîneur. Fait que j'arrive là en confiance. Je pense que je vais être capable de prouver ce que je suis capable de faire. Ton corps est... Et dans un dernier temps, Shane Gauthier mentionne qu'il ne sait pas quels sont les plans des Bombers de Winnipeg envers le joueur natif de Dolbeau-Mistassini. On ne sait rien à ce moment-ci. Je pense que le ratio de l'équipe canadienne américaine n'a pas changé de l'année passée. Ça, c'est pas vraiment à nous de le contrôle là-dessus. Ouais. Mais c'est certain qu'au camp, ça va compétitionner pour gagner des postes. Mais non, je pense être en mesure de garder mon poste sur les outils spéciales. Puis je vais faire si bon mal. Je vais compétitionner pour atteindre mon poste en défensive, mais je vais être content avec ce qu'ils vont me donner à la fin de. OK. Parlons d'hockey mineur de Robertval maintenant. Il y avait l'Assemblée générale dernièrement. C'était quand même une année positive pour le hockey mineur de Robertval. Par contre, on a annoncé un déficit de 6 000 sur un budget de 50 000. Hugo Malta explique que la situation le permettait et ce déficit s'explique du qu'on a dû se mettre à la plage concernant les équipements. On va écouter là-dessus le président du hockey mineur de Robertval, Hugo Malta. Au niveau des objectifs hockey, ça s'est conclu de façon positive. Au niveau du bilan financier, on l'avait anticipé. On a eu des pertes financières, mais ces pertes financières-là étaient déjà prévues. Donc, c'est pas quelque chose là qui est pour nous autres très dérangeant. Là. Donc, on savait, on avait décidé là, d'acheter des chandails Pili Bantam Midget. Donc, on savait que ça allait créer peut-être à quelque part un déficit. Plus, là, on avait des mini-bandes à acheter dans le pré-novice là, à coût de 2 000. C'est qu'on a eu des coûts. Là, Hugo Matek a été reconduit à la présidence du hockey mineur de Robertval. J'invite maintenant, on va parler de deck hockey. Il y avait des matchs qui nous intéressaient dans les différentes ligues. D'abord, ça se déroule à Saint-Prime, les Détestables et les Old-Timers. Ce sont les Vendées Knolls de 4 à 4. Ferdex 7, le Pêcheur 6. Multiconcessionnaire a gagné 12 à 2 sur le Mix Pack. Et victoire également du Mighty Duck 6 à 2 sur les Slashers. Au soccer, maintenant, il y avait également, ça nous intéressait au soccer. On sait que les différentes ligues sont maintenant commencées. D'abord, à noter que dans l'édition 3, le Boreal d'Allemagne a vaincu Saint-Félicien 8 à 1. En senior masculin, édition 2, Robertval United a perdu 7 à 0 contre le FC Dufion. Ligue de Balland de Robertval, gain du Zodiac, 14 à 13 sur le Saint-Hubert. Le Garmac a gagné 20 à 9 sur Perron-Mégavac. Et l'Intersport qui a battu le Piassato-Roussel 11 à 9. Maintenant, partenariat important entre les Saguenay de Chicoutimi et la Voie Maltée. La Voie Maltée, la brasserie qui devient la bière officielle des Saguenay de Chicoutimi. C'est un partenariat de 5 ans. La Voie Maltée qui va remplacer Molson et plus récemment Labatt. Il y aura une nouvelle bière qui sera lancée au nom de les Saguenay. Ça va s'appeler la Sags. Je t'invite avec ta section entrevue de danazosport.com. Hier, on a parlé avec Shane Gauthier des Bombers de Winnipeg qui entame sa deuxième année avec les Bombers. Donc, on lui a parlé hier. Également, je me suis entretenu avec Joe Hardy où on fait le bilan également de ce qui se passe dans la Ligue nationale de hockey. Et vous pouvez également écouter également une entrevue que j'ai réalisée aussi avec Michel Tifot. Michel Tifot qui a des doutes sur la nouvelle Ligue de hockey senior qui verra le jour prochainement. Le sport local et régional à danazosport.com. On s'en occupe.